Mars attaque. Ou les cinq jours qui ébranlèrent le salon du livre. Un feuilleton d'Iris Dreyer. En direct du studio 111. Cinquième et dernier épisode. Previously, dans Mars attaque. Au quatrième jour du salon du livre, de Paris Livre, les débats vont bon train. Au palais, le procès de Stanislas Norvide a donné lieu à de belles passes d'armes entre les avocats Maître Morand et Maître Dreyfus. Mais Bianca Mars n'a pas perdu son temps non plus. Elle a vampé Jean-Pierre Peucher avant de débarquer dans les bureaux des éditions du Bac où elle a séduit Julien Després. Onze heures du matin. Il n'y a pas encore foule dans les allées du salon. Les employés des maisons d'édition nettoient tant bien que mal leurs stands, garnissent leurs tables, papotent entre elles, comparent leurs sinusites et leurs angines. C'est le dernier jour et tout le monde est enrhumé, un mal aux jambes et à la tête. C'est à cause du mauvais champagne et de la climatisation bas de gamme. Tout le monde en a un peu assez des mondanités. Oui, en effet, des rumeurs courent. Virginie Despentes entrerait à l'Académie française avec Michel Drucker. Les éditions Maspero seraient relancées par sa petite fille, soutenues par Geoffroy de la Gannerie. Laurent Wauquiez sortirait un roman à clé. Bon, on dit aussi qu'une idylle se serait nouée entre Bianca Mars et Julien Després, le patron des éditions du Bac. On a du mal à y croire quand on sait la violence du procès qui les oppose autour de cette accusation de plagiat. La Canadienne demande l'interdiction du livre et 200 000 euros de dommages et intérêts. On attend le résultat du référé dans la journée. On me dit que quelqu'un aurait vu la jeune Canadienne se pâmer devant l'ex-Goncourt, Jean-Pierre Peucher, au stand des éditions Phylactère. Elle avait l'air complètement amoureuse. Bref, comme vous le voyez, de graves sujets agitent la porte de Versailles. Excusez-moi, madame, est-ce que mais vous pouvez me dire... Voici Bernard le Pivot qui passe. Il a l'air très pressé d'assister au débat de Télérama qui se tient au fond du salon. Et je, aussi également, indiquez-moi les toilettes assez dans le... Oh, regarde, c'est Pivot. Tu crois? Je le reconnais pas. Ouais, il a super vieilli. Ouais, c'est à cause de l'Académie française. Ouais, il est au Goncourt, pas à l'Académie. Mais c'est quoi la différence? C'est pas le même prix. Bonjour, mon cher Julien. Ah, Bernard. Quelle histoire, vraiment. Votre maison est au centre de tous les cyclones, dites-moi. Remarquez, vous n'êtes ni le premier ni le dernier frappé. Le plagiat est vraiment le mal du siècle, non? Plus personne ne croit en rien, je pense. On se demande où se niche le fier orgueil des écrivains d'antan. Leur surmoi, aurait dit Gracq. Écrire ce qui n'a jamais été formulé. Vous allez au débat de Télérama, je suppose. Vous intervenez. Nous avons notre devoir de réserve. Il y a Attali, Massé Scarron, PPDA, Calix Beyala et encore une autre femme dont j'ai oublié le nom. Oh, ça va être passionnant. Les noms des femmes, c'est toujours un souci pour vous, je sais. Un débat de professionnels du plagiat, ça va être formidable. Pas un seul écrivain honnête, si je comprends bien. Bah, quel intérêt? Et j'oubliais votre Norvide, bien sûr, l'homme du jour, l'escroc de l'année. Vous vous rendez compte? Si on lui avait donné le Goncourt... Eh bien, il le méritait, vous le savez bien. Monsieur Pivot, bonjour. Un autographe? Oh, on me reconnaît de moins en moins, alors j'y prends de plus en plus de plaisir. À qui je l'adresse? À moi. C'est-à-dire? Ben... Et votre nom? Ah, ça, Gérard Lanvin, comme l'acteur. Ah, voilà, monsieur Lanvin, oui, comme le chocolat aussi. Quand est-ce que vous me donnez votre premier roman? Vous n'êtes que le 43e éditeur à me le proposer. Julien, insistez. Insistez. Parlez une seconde, Julien. Oh, Sidonie, vous allez bien? Vous connaissez Bernard Pivot. Waouh, j'en tremble de tous mes membres. Oh, quand je vais raconter à ma grand-tante que je vous ai vue. Ah, vous avez une grand-tante? Ça, c'est rare. Sidonie Welbeck, la cousine de qui vous savez. Ah oui, formidable. Vous vouliez me voir, Sidonie? Eh oui, je voulais vous dire que l'album de Jean-Pierre Peucher marche très bien, sous un ciel de traîne. Sidonie est éditrice de BD. Elle détourne nos auteurs et transforme leurs personnages en petits Mickey. Oh, c'est pas trop gentil, ça. Ne me dites pas que... Si. Non, notre Goncourt en BD. Quelle fierté. Ça, c'est une grande nouvelle. Et du coup, Julien, eh ben, on réimprime. Oh, je suis si contente. Je voudrais poser une option sur tous les livres de Jean-Pierre. J'envisage une série et un dessin animé, sans doute. Les 27 ? Bah oui, bien sûr. La poésie aussi ? Bah surtout la poésie. Bianca m'a appris qu'il étudie au Québec. Les étudiants l'adorent. Bianca, on sait des pages par cœur. Vous parlez de Bianca Mars ? Il faudrait faire un concours de la BD. Ou mieux, donner le concours à une BD. Vous fricotez avec Bianca Mars, Sidonie ? Oh là, ça chauffe par ici. Je file au débat. Le débat de Télérama a attiré la foule. Tout ce que le monde des lettres compte d'attachés de presse et de journalistes s'est retrouvé là, comme à la messe. On a écouté les arguments des uns, des autres. Le modérateur a bien tenu son rôle. C'était tendu. Il est soulagé de clore cette joute avant de passer la parole au public. Comme l'ont bien montré Jacques Attali et Joseph Massescaron, le débat mélange constamment la question de l'objet, page copier-coller, etc., le problème Wikipédia, et la question des sujets, qui se reconnaissent, qui se sentent volés, spoliés, voire diffamés. Rousseau déjà avait pointé cette confusion sujet-objet. Le passé n'est pas si simple, et le présent n'est pas que de narration. Or, l'écrivain est un espion tapis parmi les siens qui répète comme un perroquet ce qu'il enregistre sans même y prendre garde. Ah. Ce sera ma conclusion maintenant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, oula, oui, oui, très bien. Alors, Amélie, vous allez passer le micro à mademoiselle qui est là. Ah non, mademoiselle qui est un monsieur, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je voudrais dire qu'on en a assez de la parole monopolisée par les people. La plus-value nominale ajoutée à l'individu dans le champ médiatique par la notoriété acquise ou usurpée est le plus grave problème de notre espace littéraire, saturé et compromis par les dégâts de la célébrité. Une seule réponse à cette concentration monopolistique qui nous mène à l'ignorance et à la guerre, la gratuité, qui annulera les processus d'accumulation primitive. Je propose donc des états généraux du livre pour affirmer que les paroles sont libres, verba, volent, libri, liberi. Les écrits doivent être gratuits et anonymes, car ils nous appartiennent à tous et à chacun pour le plus grand bien d'une société enfin confrontée à de la pensée, à de la beauté. Merci. Sous le plagiat, la plage. Merci, merci beaucoup, monsieur, merci. Vous pouvez passer le micro à la personne qui est devant vous, qui lève la main, là, je crois. Allez-y devant, on vous écoute, monsieur. Oui, non, mais très bien, mais tout ça, c'est de l'utopie. Oui. Hein. L'utopie mène à la barbarie, excusez-moi. Enfin. Non, ça taisez-vous. Laissez répondre les orateurs à qui vous posez la question. Mais quelle question ? Moi, j'ai un truc à dire. Ah, Amélie, vous avez vu le monsieur là qui a un truc à dire, passez-lui. Merci, le micro. Merci. Oui. Alors, j'étais à la centrale avec Norvid. On a bossé ensemble à l'atelier d'écriture. D'ailleurs, c'est un chouette mec. Hein. J'ai appris un tas de trucs avec lui, hein. Un tas de bricoles. Et merci, monsieur. Ouais, monsieur. Eh ben quoi ? Eh, tu te souviens plus de mon nom ? Non, je... J'ai pas mes lunettes. Jean-Luc ! Tu te souviens quoi ? Jean-Luc ! Le caniche ! C'est à cause de mes cheveux. Il m'appelait aussi Ève Ruggieri, celle qui avait un caniche noir sur la tête. Ouais, d'accord, Norvid. Admettons que je te croie, mais quand même, vu le temps que t'as passé avec nous, hein, t'aurais pu mettre au moins mon nom dans ton livre, hein, ou juste caniche. Moi, ça me dérange pas que t'aies recopié mon poème, même, j'en suis fier, mais mon nom, t'aurais pu le mettre. Et aussi, t'aurais pu parler de quand t'allais te pignoler dans la lingerie. Oh. Oh. Est-ce que je t'avais dit? Merci, merci monsieur. Je crois qu'on s'égare un petit peu, hein, on s'éloigne du débat. Si on pouvait revenir au sujet qui est le plagiat. Le quoi ? Le plagiat, s'il ça serait plaît, bien. Ah, s'il vous plaît, le alors, micro. Anne-Sophie, voilà Anne-Sophie Grandpierre, l'attachée de presse des éditions du BAC, qui veut apparemment prendre la parole. Vous voulez dire quelque chose ? Passez-lui oui le micro, Amélie. Ça marche le micro ? Je veux dire que la liberté de créer est en danger. Le roman de Stanislas Norvid, Septembre Rouge, est menacé de censure. menacé de bâillons par une justice ignare et insensible à la beauté. On a lancé une pétition en ligne. Ceux qui veulent la signer peuvent aller sur le site. C'est alors que Marc-Edouard Nab fait irruption dans la salle en hurlant. Pétition piège à con ! Wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, vidi, wiki, vici, vous êtes tous morts. Voici le temps des drones de l'enfer, eh oui. Allez-y, mes chéris, poussez-les. L'écrivain Trublion vient de lâcher des dizaines de chauves-souris qui hurlent en s'accrochant aux cheveux des spectateurs qui se mettent à hurler plus fort qu'elles. Ce sont de jolies petites chauves-souris blanches et de grandes chauves-souris noires à robe jaune. Les journalistes tendent leur perche et leur micro. On entend Yann Barthès dire à Martin Veil. Alors Martin, tu vois que la guerre nous a rattrapés? Plus de reportage au loin, la chaîne veut faire des économies. Eh ben on a tout ici, hein. Eh, qu'est-ce qu'il fait, Nab? Il balance des clémentines pourries. Attention, attention, attention. Barthès vient de se prendre une clémentine dans la figure. Ce qui est très fâcheux, car il est allergique aux agrumes. Les chauves-souris aiment les fruits pourris. La civilisation est un dégueulis. Norville, Scarron, Attali, les chauves-souris sont une révolution suspendue par leur petite tête. Ah ouais, au-dessus de vos têtes corrompues, leurs dents aiguës déchirent vos certitudes et les réduisent en bouillie. Eh oui, ah, voilà. Au milieu de cette grande confusion, on vient glisser un papier au modérateur qui tient aussitôt à faire part de la grande nouvelle qu'il vient d'apprendre. Ah pardon, excusez-moi, un petit peu de silence, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voulez connaître le verdict du référé concernant l'affaire Norvid Mars? Fait extraordinaire, même les chauves-souris d'Edouard Nab, apparemment bien dressés au débat d'idées, se taisent pour écouter le modérateur annoncer la grande nouvelle. Les éditions du BAC sont condamnées à supprimer de l'ouvrage Septembre Rouge les lettres de la plaignante Madame Mars. Elles devront en outre lui verser 1 euro de dommages et intérêts. 1 euro ? C'est ça le prix des mots volés à notre époque ? Non mais c'est un scandale ! Et on s'en fout, qu'ils crèvent tous ! Sous les pépins meurent les papis ! Sous les pépins. Stanislas se lève, blême de fureur. Il quitte la salle précipitamment pour aller retrouver son éditeur sur le stand des éditions du BAC. Julien Després vient d'apprendre la nouvelle de son côté. Qu'est-ce qu'il dit, l'avocat? Il va passer au salon? Moi, je refuse qu'on ampute mon livre. Alors, il faut se battre, hein. Et Anne-Sophie, elle est où, putain? Alors, celle-là, quand on a besoin d'elle... Bon, je veux faire un communiqué. Calme-toi, Stan. C'est la meilleure décision possible. De la pub pour toi, des économies pour moi. Donc, tu y tenais tant que ça, aux lettres de cette fille? J'irai jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. On n'ira nulle part. On ne fait pas appel. On ne jette pas les livres. J'ai déjà vécu ça. On va arracher les pages, hein. Tout le monde va s'y mettre, et tout de suite. Ah, mon cher Stan, on s'en tire bien, tu sais, hein. Et le livre va marcher du tonnerre de Zeus. Sur le stand des éditions Phylactère, rupture de stock. Plus un album de Sous un ciel de traîne. Sidonie Houellebecq et Jean-Pierre Peucher arrosent leur succès au champagne. Ah, vous savez quoi, Sidonie? Je commence à aimer vraiment la BD. C'est drôle, hein? Je n'aurais jamais pensé m'intéresser à ce genre. En fait, j'ai écrit autrefois des livres pour enfants. Ah bon? Ah oui, mais ils n'ont jamais été publiés, malheureusement. Mais avec des images, je veux dire avec des illustrations, ça peut être très bien, non? J'adore la BD. C'est tellement différent. En ce moment, je découvre Posy Simmons, Nadja et Penelope Bagieux. Ces femmes sont géniales, irrésistibles, tellement drôles. Hier, c'est l'époque. Et c'est ce que les gens comme Julien n'ont pas encore compris. On est entré dans l'ère des séries et de la BD. Montrez-moi vos livres pour enfants et on va mettre tout ça en route. Ah, faudra demander à différents illustrateurs d'interpréter chacun à leur façon votre œuvre. Ah, ça sera passionnant. Oui. C'est comme pour la musique. Une sonate de Schubert peut être méconnaissable d'un interprète à l'autre. La 959 jouée par Brendel, Chamaillou ou Tarot n'a rien à voir. Vous demanderiez à Nadja d'illustrer mes livres pour enfants? Je l'adore. Mais justement, J'ai l'intention de... Ah, mais pour le ciel de traîne... Sous un ciel de traîne? Oui, oui, oui. Mmh. Mais moi, je voulais Catel Gaulet. Mais c'est le directeur commercial qui n'a pas voulu. Il m'a imposé Alexandre parce que, bon, hein, vous savez... Non. Eh ben, il est jeune. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Mais je ne pensais pas que c'était le directeur commercial qui décidait. Mmh. Comment il s'appelle? Il faudrait peut-être que j'aille lui faire la danse du ventre, non? Eh ben, décidément, Jean-Pierre, je ne vous reconnais plus. Pour la danse du ventre, je crois pas, non, mais le rencontrer, oui. Mais aux éditions Phylactère, malheureusement, ce n'est pas comme aux éditions du bac. C'est marketing et PowerPoint à tous les étages. Alors, les amis, comment ça va la BD? Comme des petits pains, monsieur Després, on a tout vendu. Une coupe de champagne? Merci. C'est tout ce qui nous reste. Vous avez vu ce qui s'est passé au débat? Non. Non. Pivot a fait un malaise. Oh. Attali est aux urgences. Et Nab, il s'est fait arrêter par la police. J'imagine que c'est ce qu'il cherchait. Mais je crois que ça va être son tour de tâter du mitard. Et là, il va moins rire. Vous allez pouvoir l'éditer. C'est vous qui devriez lui signer un contrat, Sidonie. Il dessine très bien, vous savez. Vous avez toujours d'excellentes idées, Julien. Ouais, je sais, oui. C'est dans la réalisation que ça pêche un peu. Je voulais vous dire pour les droits des livres de Jean-Pierre... J'ai réfléchi. L'éditeur n'a pas le temps de finir sa phrase que surgit la phénoménale Bianca Mars, devenue en quelques heures son auteur préféré. Julien Després, Jean-Pierre Peucher, vous êtes beaux, les deux chums de ma vie parisienne. Comment ça? Bah, tu l'auras-tu pas dit? Vous parlez de quoi, là? Oh, come on, monsieur Després, ça va. Tout le monde est au courant. Embrasse-moi. Mais oui, mais tu t'es mis du Hermès, comme dans mon roman. C'est drôlement cute. Tu l'aimes vraiment, alors, hein? Tu l'aimes en tant qu'éditeur, pas parce que je suis jolie et que t'es fou amoureux de moi, hein? Tu me jures que ça n'a rien à voir. Ça suffit, Bianca, mais qu'est-ce que vous venez faire là? Vous veniez voir Jean-Pierre, en fait, non? Un peu, quoi, hein? Non, mais boutonne ton chemisier, Bianca. Oh, c'est dingue. Oh oui, pardon, pardon, j'en ai tellement marre par moments de ces nichons, là, ça sort partout. J'ai plus où les mettre. Ne vous gênez pas pour nous, Bianca. Je dirais même plus, ne vous gênez pas pour moi. C'est charmant. Julien, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tout pâle. Je n'aime pas du tout les liaisons entre auteurs. On a vu avec la petite Maria Mellet qui a fini à l'hôpital. C'est une menace? Je te menace pas. Je te dis de ne pas t'approcher de Bianca, c'est tout. Vous l'appelez Bianca maintenant? C'est parce qu'il est très amoureux. Moi? Mais vous déraillez, non. Elle raconte n'importe quoi, elle est nymphomane. Ah, voilà une excellente nouvelle. Ne touche pas à cette fille, Jean-Pierre. Je fais ce que je veux, Julien. Je ne suis ni ton fils, ni ton employé. Et je ne suis pas marié avec les éditions du bac non plus. Ce qui veut dire Ce qui ne veut rien dire. Tout le monde a un peu trop bu, voilà tout. On va se calmer. Mais laissez, Sidonie, c'est une affaire d'homme, là. Ouais, j'adore l'ambiance. On dirait du théâtre, mais avec des vrais gens. On arrête tout. Qu'est-ce qu'il y a, Anne-Sophie? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont les pages qu'on s'emmerde depuis 2 heures à arracher des exemplaires du livre de Stan. Pour rien. Comment ça? Pour rien? Ces pages-là, écoutez ça. Et mon amour pour toi va beaucoup plus loin. Je me sens vivre dans tes entrailles, comme si tes souvenirs avaient lentement introduit mon âme dans toute la profondeur de ta chair. De même, je te porte en moi. À chaque battement de mon cœur, mon corps se traverse de la blancheur du tien. Une flamme me parcourt. Ta bouche est dans mes lèvres. Ta voix est le trésor de ma voix. Ton être est dans le mien comme une lampe dans le jour qui brille aussitôt que l'espace se referme sur elle. Ça, c'est l'être que Bianca Mars lui a envoyé et que Stan a eu le génie, oui, je dis bien le génie, de placer dans son roman. Demande-lui d'où elles viennent, qui les a écrites. Bianca, réponds, qui a écrit ces lettres? C'est lui, Jean-Pierre Peucher, plus grand poète français vivant. Celui que vous avez méprisé pendant des années et que nous, au Canada, au Québec, on vénère littéralement depuis la communale jusqu'aux hautes sphères de l'université. Peucher, Peucher, c'est notre dieu. C'est lui l'auteur de ces lettres merveilleuses. Mais pas du tout, Bianca. Mais je rêve. Mais dites-moi que je rêve. Ah, Stan, te voilà. C'est incroyable comme tu tombes bien. Et tu vas tomber encore de plus haut. Les lettres. Quoi, les lettres? C'est lui. C'est peu cher. Mais non, attendez. C'est un complot, Stan. Tu l'avais deviné, mais tu ne pouvais pas imaginer que c'était à ce point. C'est-à-dire? Figure-toi que Jean-Pierre Peucher et Mademoiselle Bianca Mars sont intimes. Oh. Ils se connaissent depuis des années. Mais... elle l'admire infiniment pour ses poèmes et lui, pour autre chose, comme tu peux le voir. Et c'est lui qui a écrit les lettres. Tout est de sa faute. Non. C'est dur, mais je vais te tuer ce coup-ci. Non, Stan. Ah, mais si, ça fait trop longtemps que ce mec me pourrit la vie. Bon, on se calme, hein. La justice a tranché, n'en parlons plus. Elle a rien tranché du tout. C'est moi qui vais lui trancher la gorge. T'avises pas de le toucher. Tout est de ta faute, là, maudit niaiseux. Mais à qui elle parle? Si t'étais venu me voir à Montréal, comme tu me l'avais promis, ne serait-ce que pour essayer, tout ça serait pas arrivé. T'as été le méchant garçon, je fais la méchante fille. Mais attendez. Oh, attendez, il y a une confusion. Ces lettres ne sont pas de moi. Bah voyons. Mais enfin, Julien. Mais je t'assure, ce sont les lettres de Joé Bousquet. Quoi? Lettres à poisson d'or. Comment? What? Elle figure dans mon anthologie des lettres d'amour que j'ai publiée il y a 27 ans aux éditions du Bac. Joé Bousquet était à l'époque le poète que je mettais au-dessus de tous les autres. Sa douceur, son destin tragique de rescapé de la Grande Guerre en faisait un autre Guillaume Apollinaire. Il a vécu 30 ans, volet fermé, dans une chambre. Et il écrivait des vers merveilleux. Il recevait des jeunes femmes que ne rebutait pas son infirmité révoltante. Jeune homme cassé en plein vol, d'une balle dans la moelle épinière. Amoureux permanent, brûlant d'une flamme vive. Nom de Dieu. Mais alors t'as-tu triché, Jean-Pierre? Je croyais qu'elles étaient toi, là. Enfin, ma douce, c'était une anthologie. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une anthologie. Laisse, Jean-Pierre. Je vais lui apprendre. Tu ne l'approches pas. Mars attaque. Ou les cinq jours qui ébranlèrent le salon du livre. Un feuilleton d'Iris Dreyer. Cinquième et dernier épisode. Avec Vincent Grasse, Olivier Cruveillé, Pascal Collin, Noémie Landreau, Clémentine Verdier, Christiane Coendi, Pierre-Félix Gravière, Jean-Gabriel Nordman, Olivier Claverie, Christophe Van de Velde, Luc-Antoine Diquero, Elia Biermann, Alice Buteau, et les voix de Maxime Dambrun, Antoine Berry-Roger, Léo Reynaud, Mylène Bonnet, Sophie Bezard, Stéphane Sestac, Aurélien Ozinski, Francis Coffinet, Thaïs Lamotte, Zelda Pérez, Véronique Vielle, Christina Crévienne, Géraldine Sageman, Modeste Nzapasara, Henri Le Guen, Bachir Tlili, Hector Manuel et Alexandre Ridel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Cédric Ossier.